Eugène revint à la maison Vauquer avec la certitude de la quitter le lendemain. Il s'abandonna donc pendant la route à ces jolis rêves que font tous les jeunes gens quand ils ont encore sur les lèvres le goût du bonheur. Le lendemain, Goriot Rastignac n'attendait plus que le bon vouloir d'un commissionnaire pour partir de la pension bourgeoise quand, vers midi, le bruit d'un équipage qui s'arrêtait précisément à la porte de la maison Vauquer retentit sur la rue Neuve Sainte-Geneviève. Madame de Nucingen descendit de sa voiture, demanda si son père était encore à la pension. Eugène entend alors Delphine avouer à son père que le baron de Nucingen l'oblige à retarder la restitution de sa dot, sous peine de faillite. Mais elle compte bien se préparer pour le bal de Madame de Beauséant, le surlendemain. Puis arrive Anastasie, qui avoue que pour sauver la vie de son amant, Maxime de Trailles, elle a vendu tous ses bijoux et ceux de son mari. Toutefois, comme il manque à Anastasie 12 000 francs, les deux sœurs se disputent devant leur père, car celui-ci a dépensé 12 000 francs pour installer Étienne avec Delphine rue d'Artois. Eugène intervient alors et, pour calmer Anastasie, lui donne les moyens d'obtenir les 12 000 francs réclamés en changeant le nom et la somme sur la lettre de change souscrite à Vautrin avant son arrestation.